Les gamins, les bien gavés. Tu vas pas rester tout seul dans ce bois. Je risquerais de te faire bouffer. Te faire bouffer par l'anaconda. Rentre à la maison, on va pas jouer au con. On va pas traîner dans la cité, risquer de te faire tuer. Excite pas les keufs, te moque pas de tes propres. Va manifester et montrer que t'es impliqué. Suis la voie tracée par l'anaconda qui glisse. Il t'amène dehors pour réclamer justice. Va crier sans fin tes exigences de gamin. Crache ton venin à tous ces clampins. Crache ton venin. Oui, crache ton venin. Tu es celle qui crache ton venin. Oh, crache ton venin, mec. Crache ton venin. Tu es celle. Crache ton venin. Oh, crache ton venin. Tu dis crache ton venin. Que l'anaconda t'entende depuis la véranda. Que les cris de la foule traversent les murs. Organise la rébellion des jeunes durs. Qui ont compris que c'est de l'anaconda. Deviendra la solution. Et puis crache ton venin. Jeune con, crache ton venin. Oh oui, crache ton venin. Que l'anaconda t'entende depuis la véranda. Que les cris de la foule traversent les murs. Organise la rébellion des jeunes durs. Qui ont compris que c'est de l'anaconda. Deviendra la solution.